potes. J'suis dans le Benz, y'a des dealers à gauche. J'suis dans le Benz, des proxénètes à droite. C'est la street, on va les faire danser. C'est la street, on va les faire danser. Elles sont pour la street, elles sont pour la street. Elles sont pour la street, elles sont pour la street. On danse comme la street, on danse comme la street. On danse comme la street.